16h30, tu sortiras. Je te verrai pour la dernière fois. 6h30, tu vivras. Je te verrai pour la première fois. Le ciel peut tourner. Mes meilleurs amis sont partis. Toi, tu ne bouges pas. Pour regarder en arrière. Un matin, un autre lèvera sur toi par les défaites. Cette lumière t'éblouira. Tu ne verras que le soleil, mais je serai là.